Bonjour. L'entretien dont je vous parlais a été mis en ligne. J'avais mis le lien dans ma dernière vidéo avec David L. Et je vais le remettre là, le lien dans cette vidéo-ci là, dans la description. Et s'il y a des abonnés là, qui ont de l'intérêt pour les sujets dont je parle, je vous suggère là, de vous abonner aux chaînes là, de Monsieur David L. Et qui a une autre chaîne aussi, là, David Lévesque. C'est le retour de Fais-moi un dessin. DESSEIN. Un petit clin d'œil là à Madame Touria, qui aime les jeux de mots. Et puis, la pensée là, qui descend dans l'être humain, dans la matière, et l'être humain est expérimental, donc une expérimentation du mental. Et le monde de la pensée en lui-même, au niveau là, du mental, au fond, il s'agit d'un monde monumental, de la pensée étant un monument dans le mental. Bon, des petits jeux de mots comme ça, c'est quand même intéressant. Ben, intéressant, ça dépend là, du type. Moi, je ne déteste pas, je peux m'adonner à ça. Ça parle des fois, c'est très intéressant. Et puis là, au niveau là, que ça peut peut-être aider aussi à aller un peu au-delà de la forme ou servir de la forme comme des matériaux et comprendre un peu ce qui peut être la créativité là, par rapport au structurel. Car le langage est une structuration de. Bon. Par rapport là, à ce que j'ai dit au niveau là, des intelligences du plan mental, au niveau, j'ai encore dit au niveau, j'essaie de le dire moins. Par rapport aux intelligences du plan mental, j'ai eu des échos comme quoi que c'est pas la pointe la plus efficace. J'ai eu des échos comme quoi que c'est vrai. Il y en a là qui le contact avec le plan mental là, des réponses par rapport. Il y en a là, ils l'ont appris à la dure, au sens où si au niveau de votre J'ai encore dit au niveau. Si par rapport à votre contact avec le plan mental, il y a à un moment donné l'idée d'un mandat, de plan de vie, comme d'écrire des livres, de faire des conférences, faites-le comme un à côté. Ne délaissez jamais votre travail pour faire ça. Et puis faites très attention de ne pas entrer dans de l'enthousiasme, parce que oui, là, ça va servir à vous créer de l'expérience au sens où eux, au fond, là, de notre bien-être, eux, c'est de diffuser, là. Bon, et puis ils se foutent bien des autres là, de notre bien-être. Et puis, si vous voulez pas là, perdre toutes vos économies, puis finir à un niveau de vie qui va être difficile, de voir votre vie se dégrader, c'est pour ça là, que, entre autres, là, que j'ai parlé que il y a de la manipulation sur le plan mental. Les intelligences du plan mental. Et puis, comme je l'ai écrit là, à quelqu'un qui me parlait de ça, c'est la carotte et le bâton. Ils vous font miroiter une carotte, puis après, c'est la mise en expérience, là, vous allez avoir le bâton. Et puis ça, c'est terrible, là. Parce qu'après intégrer cette expérience-là, oui, il va y avoir une montée en fréquence si c'est intégré, mais quelque part, ça n'en vaut pas la peine, là. Et puis là, de faire partie là, de leur confrérie à eux et tout. Avant là, de chuter puis d'être pris là, au niveau de l'incarnation entre les plans de la mort puis les plans d'incarnation, nous étions sur les mêmes plans qu'eux. Et bon, je me choquerai pas. Je m'étais dit de faire attention un peu. Donc, admettons là, qu'on considère que il y a le plan mental ici et qui a apprécié ce qu'on pourrait appeler là, les plans expérimentaux, là. Le plan matériel, puis ici, là, ce qui bloque le plan mental, donc les plans de l'âme, ce qui est dans le chemin avec le plan mental, les plans de l'âme, et puis on voit pas très bien, il est pas très noir ce crayon, ben, c'est une petite pointe. Mais l'autre, j'ai plus d'encre dedans. Donc ici, là, il y a du mémoriel qui si vous voulez. Et puis, mais au-delà du plan mental, ici, il y a un espace, là, c'est le systémique. Comme ici, vous avez des intelligences, Mais ici, c'est de l'intelligence. Il n'y a pas d'ego à ce niveau-là, ou de quelque chose qui ressemble. Il y a pas de, c'est des lois, c'est de l'intelligence, et ça, après, c'est au-delà du. Et si on pourrait faire le systémique, si on dit qu'il y a un espace ici, là, au-dessus du plan mental, qui appartient au systémique, il fait ça. Puis eux, là, ils veulent pas qu'on sache ça. Ils servent, là, eux autres aussi, là, ils ont quelque chose de retardataire, un peu. Il n'y a pas juste ça ici, là. Donc, si j'emploie un vieux vocabulaire, un vocabulaire ancien, on pourrait dire que ça ici, c'est théurgique, ça c'est démiurgique, puis là on tombe dans le thaumaturgique ici, quand que ça passe, puis que ça se rend. Mais il y a des raccourcis au niveau fréquentiel, parce que le systémique est une syntonie, tandis que ça ici, là, c'est. Si vous voulez, là, de la télépsychie, là. De la télépathie. Il y a de la télépathie ici, là, puis de la télépsychie ici. Mais ça, c'est de la syntonie, là, pour avoir un contact avec. Puis, c'est très impersonnel, c'est très inhumain, c'est des lois, c'est du savoir, tout simplement. Puis, eux, là, ils veulent se faire l'intermédiaire de ça. Puis, on arrive à un point où ils cherchent le trouble, là, parce qu'il va falloir que l'être humain se canalise lui-même au sens de, comme j'avais fait une vidéo, là, ses contreparties, là. Parce que là, ils peuvent faire miroiter de faire partie, là, de leur plan, puis tout, mais nous avons déjà des contreparties sur leur plan au niveau fréquentiel, sinon il n'y aurait pas de possibilité de. Ça, c'est mon point de vue. Donc, blocage est encore des sont fins. De toute façon, ce qui arrive, c'est que des fois, vous allez essayer d'atteindre quelque chose là, qui vient de vous, puis des choses qui viennent pas de vous nécessairement, là, ces affaires-là ici, là, vont se mettre dans le chemin. Puis ça peut autant être le plan mental que ça, là. Puis ils sont extraordinaires pour relativiser, pour justifier, parce qu'on va dire là, que les plans ici, là, eux autres, là, c'est comme par exemple le plan de la mort, et puis que ces entités-là sont des menteurs extraordinaires, mais ça ici, ce sont des manipulateurs extraordinaires. Ce sont des manipulateurs extraordinaires, puis le but, c'est de ne pas atteindre tout de suite. Ils veulent servir de régulateur, de transformateur. Puis moi, après les dernières vidéos que j'ai fait, comme la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai subi là, toute une partie de la nuit, là, des. Ça rue là, dans le bécu. Ben, ça pioche, là. Puis là, ce matin, je sors de chez moi et toutes les lumières de mon couloir, de mon bloc sont brûlés, les ampoules sont toutes à changer, c'est le genre de choses que je m'explique pas. Il y a peut-être pas lien, là, ça peut être, il y a eu un problème là, électrique, puis ça fait que toutes les ampoules ont. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Et il y en a peut-être parmi vous qui voient là, des phénomènes électriques, comme par exemple là, quand ils sont dans un certain état, les ampoules électriques grisillent comme. Où vous marchez sur la rue, vous passez sous un lampadaire et le lampadaire s'éteint. Moi, je pensais que j'étais tout seul à qui ça arrivait ces choses-là, et c'est justement là un correspondant qui me dit non, il y a beaucoup de monde à qui ça arrive. Il y a des phénomènes électriques là, liés au type de pensée. Il y a des phénomènes électriques liés au type d'habitation, au type d'incarnation, si on peut dire. La technologie devrait servir pour vrai, ne devrait pas devenir une nuisance. C'est pareil avec le plan mental. Si ils vous font miroiter là, que vous avez une instruction à apporter à l'humanité, puis c'est toujours une belle carotte là, lumineuse, et puis que vous laissez votre emploi, que vous en parlez beaucoup, que là vous perdez des proches, et puis ça peut amener là, à des conflits dans la famille, et puis. Là, vous laissez votre emploi pour écrire des. Ce qui peut arriver, là, vous allez finir dans un demi-sous-sol miteux avec des caisses de livres qui ne se vendent pas autant que vous l'auriez pensé, même si le matériel qu'il y a dedans est de qualité. Parce que ce qui leur importe, c'est diffuser de l'instruction en plus d'engendrer de l'expérience. Et s'ils peuvent faire d'une pierre deux coups, ben la pierre, vous allez la recevoir dans le front. Et je dis pas ça comme étant un moralisateur ou donneur de leçons ou quoi que ce soit, parce que c'est très réel, ça. C'est très réel. Puis une fois que vous allez être dans la marde, c'est plus le temps, là, de se rendre compte que eux autres, là, sont pas ben ben mieux qu'eux autres, quasiment. Ça se compare pas, mais quand même. Quand même. Et puis, si on a des contreparties, à un moment donné, il y a des pensées là, qui viennent de vos contreparties à vous. Ne les croyez jamais s'ils disent que toute pensée vient d'eux. Là, je ne le dis pas comme un ordre, là, je le dis parce que ça, c'est ma position. D'accord? Donc, bien, c'est pas le plus beau dessin que j'ai fait. C'est pas le plus intéressant. Peut-être au-delà du dessin, peut-être que là, on commence à aborder des choses que c'est plus.